espérant vous faire rire. Puisque vient l'occasion, je vais essayer de vous dire chacun que six couplets de canchon. Invétiant les coquettes, je ne trouve point d'autre sujet que de vous parler de l'otiette comme ils sont affulés. Tommy, vous approuverez un chez drôle de mode quand il faut s'affuler avec les cheveux d'un mohé. Chéré eux main comique, sans crainte de se faire du mal. Inaction léique, papa, j'ai tout chat. Je coquette pleine d'adresse, arrange-te le chevelure et faites-le fiel tresse, un plot contre le mur. Comme ni vous approuverez, une chaîne drôle de mode quand il faut s'affuler avec les cheveux d'un homme. Sur le tiède chez faux stress, son posé chasse comprin. Avec délicatesse, à seule fin qu'on ne voit rien. Pour eux, c'est à la lettre, par-dessus le chignon. Il n'a encore qui mette une belle paire de rognons. Comme il vous approuverez, que chez notre mode, quand il faut s'affuler, avec les cheveux d'un autre. Pour arranger le tiède d'un tes premiers numéros, ils ont encore des puguettes qui peint dessus le dos. D'un seul puguette touloule, il y a des paquets de chiffons, des saucisses, des andouilles, bien un bourré de coton. Comme Rumbi vous approuverez, le chétron demande quand il faut s'affuler avec les cheveux d'un autre. Et je peux dire tout net, sans les démépriser, bienveillantes certaines tiètes ont peur de leur pitié. Pour eux, c'est point dommage qui trouve à volonté pour mûcher le fromage des cheveux au perruquier. Comme il vous approuverez, petit drôle de mode quand il faut s'affuler avec les cheveux d'un homme. Allons pour un finir, malgré que Charles va bien, on est obligé d'y dire que de le désagrément. Dis donc qu'il faut le zère, si tout n'est point bien tenu, le tiel boule par tiède, un plein mi-temps des rues. Comme il vous approuverez, un chez drôle de mode quand il faut s'affuler, avec les cheveux d'un autre. Le guéret, j'ai mon devoir, le guéret, j'ai mon devoir, comme avec les cheveux d'un autre.